Michi a décidé d'organiser une big tough fête. Pas une chef loupée avec des meufs gaziers. D'ailleurs on se les garde pour nous alors t'es pas invité. Et arrête de pleurer sur ta pauvre existence. De toute façon tu n'aurais eu aucune chance. Dans toutes les circonstances admire ma bienséance. Tu vois je suis comme ça. Non tu t'égares là. J'organise, je prépare le terrain pour mes homies. Et fais en sorte que la bière ne soit pas omise. J'augmente la mise, rajoute du matos et de l'herbe. Sors de ton pub, rejoins mon fan club. Mais pas pour foutre la merde, sinon je te pète la tête. Pas de prise de tête, on est là pour faire la fête. Pour entrer, faudra pas te montrer trop féroce. Mais si t'essaies, tu risques de tomber sur un boss. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. L'accro, prends la relève de ton cerveau. Je ne veux pas de cadavres dans tous les coins. Je ne veux pas que l'on comate jusqu'au petit matin. Attention, il ne faut pas croire qu'il ne faut pas voir. C'est un excellent remède contre les coups de barre. Et si une meuf se barre derrière le bar pour boire une échoppe, moi je me la chope dardard. 5 minutes après, au plus tard, au plus mars, sans vouloir être vantard, ma technique est un art. À part ça, on continue de bouger sans enfreint. On voit et le rythme se maintient, c'est bien. Pour pouvoir s'exprimer avec plus de liberté. Pour pouvoir se mouvoir sans jamais s'épuiser. Assumant les rapports se créent plus facilement. Même si les discours se font moins éloquents. Mon chat c'est fit, t'es sexy, j'ai une envie. Viens avec moi chérie, t'en ressortiras épanoui. Est-ce qu'il reste envahir, délaisse le stress, la tristesse. Est-ce la richesse qui t'intéresse? Écoute la sagesse de mon messagesse. Que le bonheur est dans le pré ou dans le blé. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Draguer dans les teufs, ah, moi je n'ai rien contre. Au contraire, c'est un bon moyen pour faire des rencontres. Je repère ma proie, j'attaque et puis ça y est. Y'a moyen de passer une excellente soirée. Mais le problème avec les meufs, le lendemain des teufs, c'est qu'elles me menacent et moi, je crois qu'elles bluffent. Mais non, elles ont bien l'intention de me garder. Tout ça parce que je suis stylé, friqué et du comité. Putain, les filles ça pense qu'à se caser. Se trouver une planque et puis squatter à jamais. Même si t'es miso, faut bien admettre que maître c'est bien. Par contre y'a pas moyen qu'elles arrivent à leur fin. Ces dames abusent de leur charme pour que l'on se dame comme un âne et cherchent à se caser avant qu'elles ne se fanent. Mais moi jamais de la vie j'accepte ça. Tu comprends ça, les meufs avec moi c'est pas comme ça que ça se sait pas. Juste une soirée c'est bien, en abuser ça craint. Le lendemain matin c'est clair, tu fais moins le malin. Quand tu te réveilles, ne tombe pas dans leur jeu. Alors pour oublier t'as qu'à boire encore un peu. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève de ton cerveau. Accro, prends la relève.